Amante, il pleure. Sexe fort répond chaudement. Call and response. Call response. Always response. Les chaînes de fer claquent dans la nuit. Sous un ciel où les étoiles fuient. La poussière danse sur mes épaules. J'avance malgré les rôles. Les ruines murmurent des secrets lourds. Des voix anciennes, un chant sourd. Dans mes veines, la rage allume. Un feu noir qui jamais ne s'éteint. S'efface la lumière, le temps se plie sus en prière. Chaque pas résonne, trace la voie d'un monde brisé, fait de joie et de froid. Je tends la main vers l'inconnu, un espoir fou, jamais vaincu. Le souffle court, la foi. Hold the light through steel and flame. In the ruins, call my name. Keep the fire burning bright. Guide me through the endless night. La terre saigne sous nos pas lourds. Le temps s'écroule, emporte les jours. Je marche seul dans ce labyrinthe à la recherche d'une étoile qui flotte. Les vents hurlent des secrets anciens, des chants brisés, des destins lointains. Je porte le poids des âges passés et la promesse de la vérité. Les chaînes rouillées tombent au sol. Mais l'espoir danse sous les étoiles. Je crie la vie dans ce désert. Un chant amer, un souffle clair. Nos voix s'élèvent fortes et fières. Unis contre la misère. Un feu sacré dans le regard brûle encore, même au soir. Keep the flame, don't let it fade. Stand your ground, unafraid. Hold the fire, keep the fight. Through the shadows, into light. J'ai vendu mes rêves au diable d'acier. Mais la foi jamais ne peut plier. Un prophète perdu dans le vent, portant l'éclat de l'instant. Les nuits sont longues, voix s'éteignent. Mais j'avance au-delà des peines. Chaque pas résonne dans la poussière. Un chant de vie, une lumière. Viguan solo, rising. Je vois l'eau percer l'horizon. Un souffle chaud, une chanson. Peut-être qu'au bout de la nuit, le jour naît sans bruit. Je tends les bras vers demain, portant nos rêves main dans la main. Chaque souffle, chaque regard trace un chemin, un départ. Tape des mains, ressens la vie. Danse avec moi, oublie l'ennui. Plus de chaînes, plus de